la réalité est irréelle. Saint James del Piolo, Didi Stone, Bossale la mamma Likita, Alembe Seke. Aïe, Alido. Bébé Oloba qui nanga le jour d'après. École Kateo Kozonga déjà. Lele koni basanza ba journée pico. Yozoyate. Alidore. Ali Oloba qui nanga nana la suite. Ami tumbi sate bolingo nanga yo. Ali Oloba qui est ça pour la vie. Elle en a de quoi la vie soit silence et comme miroir. Elle en a de quoi la vie soit insomnie comme loi. Atamo toto ya koti anga toi. Atana bimi na zongina kouretat. Motwa koto na mate anga amawa. Bolingwa zate. Ali doré. Je ne dors pas la nuit. Elle opé koni sa tarza po ganga gangaka. Ekopi mwana banzete na katia zamba. Esengo ya bulingo ya jene. Alizonga na koma Tarzan. Alieza fleru yorwa sopela kama iye moko. Na tongo na revei. Salaire, mais un salaire comme un 5 000 euros. Bébé na ngai tala sima mona lido salo zonga we soki ozongi te okoya kokuta moto divisé par deux ota kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abili akoki osede mena mour te mona ngai dor salo zonga we salo zonga na kodei soki ozongi te okoyoka sangwa milo ota kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abili akoki osede mena mour mena mour te je t'adore.